les muses animent mon âme offerte aux quatre vents, que mon souffle zémérime éveille le cœur des passants. L'esprit qui me dévore est un feu qui consume, de l'illusion et de la mort, elle dissipe les brumes. Par-delà l'éphémère et le temps qui trépasse et les souvenirs amers et la vie qui te lasse, tu es le phénix qui réenchante sa vie. Que les temps se finissent, que renaisse l'envie. Quatre vents, que mon souffle et mes rimes éveillent le cœur des passants.